Club. Le premier mix donc de Philippe Thorn se termine. Et en ce qui me concerne, je crois que je vais pas tarder à démarrer. Voilà. Je démarre avec des petits gars de Grenoble. Ah, ça me dit quelque chose. Il y a du data dans l'air. Il y a du funky data dans l'air. À tout de suite, une heure. À tout à l'heure. Bon mix. Tu restes avec nous. Oui, oui, sans problème. Et juste après. Grosse rubrique, nouveauté, le bonus beat avec le bonus beat, ouais. Les J'ai meilleures avec nouveautés. Le bonus beat, mais on va y arriver. T'inquiète pas. Allez, à tout de suite. Le radioclub.com mix by Arthur Legg. Radioclub.com.

stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. We'll be right back. soumet le bassama. Doumbé soumet le bassama. Doumbé soumet le bassama. Doumbé soumet le bassama.

pump it up, hein. Pump it up, pump it up, pump it up, pump it up. Le Radio Club in the mix avec Arthur Lex et moi-même, juste après le mix de Philippe Thorne. Voilà, l'émission, lit tes fiches. Mais je fais pas de fiches, c'est justement pour ça que je suis pas très très bon. Ah mais si. Mais en même temps, on est nature et on est sincère. On peut pas tout avoir. C'est pas de silicone, hein, ici. Non, c'est, ici il n'y a naturel. Pas de silicone, c'est que du naturel. En direct de Paris Place Vendôme, le Radio Club. On termine avec les Daft Punk et la voix de Pharrell Williams, Gaze of Wind. Et qu'est-ce qu'on c'était a à vous proposer Sunshine maintenant alors. Records Remix. Qu'est-ce qu'on leur propose? Et ben voilà, c'est pas mal déjà tout bravo, ça. Bravo, hein, bravo Arthur. Merci, bravo à toi Philippe Thorne. Ah, c'est bien, on s'applaudit nous-mêmes. Les mecs sont ouf. Les mecs sont tarés. Mais... T'as pas un jingle avec des bruitages? Non, je peux te faire ça. Une grosse foule. Allez messieurs, circulez, y'a rien à voir. Thorne et Lake sont partis. C'est arrêtez-moi terminé. Arrêtez-moi cette musique de dingue. Allez hop, tout le monde repose. Il y a eu du Master at Work, il y a eu du lourd. J'ai eu du Prince Remix Scott Wozniak, 1999. De toute façon, on vous mettra les playlists sur le site leradioclub.com. Qu'est-ce que c'était bon. Leradioclub.com. Le Radio Club is brought to you by popup-radio.com.